Yanini Nasali Yanini Boyoli Mwanga Boye Nasali Yanini Nasali Yanini Lengache Nasali Yanini Strevo Señor Koseu Nasali Yanini Mokuya ekwatili susu onda kolianga Nzambe liwa ekomi pamba malelaki Mawa ebo ikotika motema mwanga Nzambe solo tokomi wapi awa usi Sala kase kole la lela Tango nyoso se mawa mawa Azala kakomi tuna tuna Naniye abuma Sambi pase na kende ki Genova Nakuta ni Nadia na Rose Yena Albert de Monaco Batuni ngangati Ebisi bangonga chakenda Alanda na yekula mambo Natikala na mawa Angai mawa Nasalia nini lengate Nasalia nini ye Seva senyar koseu Nasalia nini Le pape de la religion qui tende Angata, Okowaya, Ozolela Eh ben disons, c'est qu'à Zikombe Y'a le baguette là, eh Oula ta kitoko Ah, très beau c'est Oula ta ki, bakouiranta Oula baguette nini Oula ta, oula tite Manani bazana bomengo Manani bazo bomengo Batokama Roberto Cassio Malhomme de 25 voitures de sport Dans 1500 bougeurs couiranta A ton an aéba château, d'aéba forêt ba Miami, d'aéba Las Vegas. Ah! C'est le beau Seigneur Kose, oula mambo! Mawanangaïe, mawanangaïko, mawanangaïe, nana kole la streboseo. Mawanangaïe, mawanangaïko, mawanangaïe, nana kole la lingache. Mawanangaïe, mawanangaïko. Nyarko ibili susu, tozaki papa tutu Wako nwalye, naba sabine Totele maki, tozo ulela ngamba kisasa Yolo bina kenangana poto Ah, braza, mbo